بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله aujourd'hui le lundi 17 Rajab 1442 de l'Hégire correspondant au 1er mars 2021. Nous nous retrouvons dans cette soirée afin de continuer ensemble, bi'idhnillahi ta'ala, notre étude du livre d'Ibn Jama'a al-Kinani, qui est décédé en l'an 733 de l'Hégire, qui s'intitule « Tadhkiratu al-Sami'i wal-Mutakallim fi adabi al-Alimi wal-Muta'allim ». Donc ce livre qu'il a fait, comme un rappel pour celui qui demande la science et pour l'homme de science également. Il a fait pour l'étudiant et pour le savant, dans lequel il a cité les règles de politesse qui concernent chacun d'entre eux. On est toujours dans le deuxième chapitre de ce livre qui concerne le savant. Et les règles de politesse le concernant. On a abordé les règles de politesse le concernant dans sa personne, lui-même. Et aujourd'hui, nous allons commencer par les règles de politesse qui concernent le savant dans son cours, quand il dispense un cours. Al-faslu thani fi adab al-alimi fi darsihi. Pendant son cours. Et dans ce chapitre, il va citer, dans ce sous-chapitre, il va citer 12 règles de politesse. 12 règles de politesse. Al-awwal, idha azama ala majlis al-tadrisi, tatahhara min al-hadath wal-khabath, wa tanazzafa wa tatayyab, wa labisa min ahsan thiyabihi al-la'iqati bihi. اللائقة به بين أهل زمانه قاصدا بذلك تعظيم العلم وتبجيل الشريعة. Donc le premier adab qu'il a cité ici concernant l'homme de science pendant son cours, le premier adab qu'il a cité, c'est de se purifier dans tous les sens du terme. Se purifier en ayant ses ablutions et également en retirant toute impureté et en se faisant propre et en se parfumant et de porter les meilleurs de ses vêtements qui conviennent aux hommes de science de son époque. Car la tenue des hommes de science peut varier d'une époque à une autre. Donc, il doit s'habiller comme se doit s'habiller les savants dans son époque. Et vous savez qu'après les premières générations de cette umma, où les gens connaissaient la valeur de la science, où les savants s'habillaient comme tout le monde, à commencer par les compagnons. Et encore, avant les compagnons, à commencer par le prophète, alayhi salatu wassalam. Vous savez que le prophète, alayhi salatu wassalam, dans une assise avec ses compagnons, on ne pouvait pas le distinguer. On ne le distinguait pas. Au point où ceux qui ne connaissent pas le prophète, alayhi salatu wassalam, des fois, ils étaient amenés à demander qui est le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Et ça démontre qu'il s'habillait comme ses compagnons. Il ne se distinguait pas d'eux. Mais avec le temps où l'estime de l'ilm a diminué dans les cœurs des gens, les savants ont commencé à avoir un habit qui les distingue des gens de la masse, et on va voir l'intention avec laquelle ils portent ce vêtement. c'est pas pour donner de l'estime et de la considération à sa personne. Mais comme il a dit Ibn Jama'a, rahimahullah, il a dit, qasidan bidhalika ta'zim al-ilmi wa tabjil al-sharia. Allahu Akbar. Il a dit en voulant avec cela, avec cette tenue qui le distingue de la masse et qui montre son statut. Car avant, comme j'ai dit, les gens reconnaissaient le savant avec sa science. Mais après que le jahl soit répandu, il fallait que le savant se distingue avec une tenue. Et c'est pour ça que vous trouvez cette habitude et cette coutume continue jusqu'à notre époque. Il a dit en voulant pourquoi ? Donc il va se distinguer avec cette tenue spécifique aux hommes de science, déjà parce qu'il fait partie des hommes de science. Et il voudra avec cela la considération, que les gens donnent de la considération et de l'estime à la science et d'honorer la législation et ne pas honorer sa personne, ni inviter les gens à le respecter lui et à lui donner de la considération et de l'estime. Non, c'est pas ça son intention. Son intention, ta'zim al-ilm. Ta'zim al-ilm. كان مالك رضي الله عنه إذا جاءه الناس لطلب الحديث اغتسل وتطيب ولبس ثيابا جددا ووضع رداءه على رأسه ثم يجلس على منصة ولا يزال يبخر بالعود حتى يفرغ وقال أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي ركعتي الاستخارة إن لم يكن وقت كراهة. Et ensuite, il nous a cité l'exemple de l'imam Malik. Et l'imam Malik, c'est un imam dans tous les domaines de la religion, dans le domaine de l'aqida, et dans le domaine de l'fiqh, et dans le domaine du bon comportement, et aussi les règles de politesse. Et l'imam Malik, il était très connu pour donner une grande importance à ses adab que le savant se doit d'avoir dans une assise de science. Notamment, il se lavait avant de venir donner un cours. Il se parfumait. Il portait des vêtements neufs ou les meilleurs de ses vêtements. Et il couvrait sa tête. Il couvrait sa tête. Allez, vous savez que les Arabes, même avant l'islam, il ne découvrait pas les têtes. Il couvrait les têtes avec l'imama, le turban. Ça, c'est avant l'islam, et c'est une tradition que le prophète, alayhi salatu wassalam, a conservée. Et c'est pour ça, yani, c'est un manque, c'est considéré parmi khawarim al-muru'a, un manque de virilité pour un homme de découvrir sa tête de manière générale. Et ceci n'est pas spécifique à la salat. Ceci n'est pas spécifique à la salat, comme l'a mentionné dans un de ses cours l'imam de notre époque dans la science du hadith, l'imam al-Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde, parmi les imams de la sunna de notre époque et un des revivificateurs de la religion de l'islam de notre époque. Et ensuite, l'imam Malik, il s'asseyait sur une sorte de tribune, une chaire surélevée par rapport à ses élèves. Et il ne cesse de l'encenser, c'est-à-dire de le parfumer avec de l'encens, jusqu'à ce qu'il termine son cours. Et il disait, quelqu'un qui entend ça, il peut dire, c'est un homme qui cherche le statut. Il disait, rahimahullah, uhibbu an u'azzima haditha rasulillah. Allahu akbar. Ma a'azzamaha min niya. Nas'alullah an yu'inana ala niyati l'hasana. Nous demandons à Allah de nous aider à avoir la bonne intention dans tout ce que nous faisons et dans tout ce que nous disons. Il disait, j'aime quand donne de l'estime et de la haute considération au hadith du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à la tradition du prophète, alayhi salatu wa sallam. Car l'imam Malik, dans son cours, il rapportait des hadiths. Et c'est rare où il donnait un avis ou des choses comme ça. Il rapportait des hadiths. Et ça, c'était la science chez Salaf. Dans le commentaire, il a cité une faïda importante qui mérite d'être lue. C'est que ces choses-là qui sont rapportées de l'imam Malik, sans aucun doute, c'est des bonnes choses, mais pour quelqu'un qui a la même intention et qui arrive à avoir la même intention que l'imam Malik. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas évidente. Quand tu arrives dans une tenue comme ça et tu t'assois sur quelque chose, une sorte de chaise surélevée comme une tribune par rapport aux autres et on te parfume et on te met de l'encens jusqu'à ce que tu termines le cours, il faut savoir que l'homme n'est pas à l'abri des stratagèmes de Shaitan. Et de chercher par ces choses-là à donner de l'estime en réalité à sa personne et non pas à ce qu'il rapporte dans son cours aux paroles d'Allah et aux paroles de son prophète alayhi salatu wassalam. C'est pour ça le mieux c'est de délaisser ces choses-là sauf pour quelqu'un qui arrive à avoir la même intention que l'imam Malik. Et ça c'est une bonne remarque qu'a fait As-Sakhawi dans Fath al-Mughith par rapport à cette parole rapportée de l'imam Malik. Elle est très bénéfique. Yani, ça démontre que Salaf ont fait certaines choses, mais avec une certaine intention. Si tu arrives à avoir la même intention, alhamdulillah. Sinon, le fait de se préserver, rien ne l'égale. As-salamatu la ya'diluha shay. Et c'est pour ça, vous ne trouvez pas dans les assises de nos savants contemporains, vous ne trouvez pas ça. Et même s'ils voient ça, peut-être, ils peuvent blâmer la personne. Sauf dans des assises privées. Mais je parle des assises comme l'imam Malik qui s'assoit dans le Masjid Nabawi, entouré par les étudiants qui viennent de partout. Ça, je ne l'ai jamais vu chez les savants contemporains. Ensuite, il a dit « وَيَنْوِي نَشْرَ الْعِلْمِ وَتَعْلِيمَ » Et là, il va commencer à énumérer des intentions. Vous savez que dans une adoration, on peut avoir plusieurs bonnes intentions. Et toutes nous rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les gens varient selon l'intention. C'est pour ça, il est rapporté que l'intention du croyant est plus forte que son acte. Et c'est là où on voit l'importance de le fiqh dans la religion. L'importance de la jurisprudence et de la bonne compréhension et de la profonde compréhension de la religion. C'est dans un seul acte, tu arriveras à avoir beaucoup d'intentions et tu seras récompensé selon chaque intention. Et peut-être quelqu'un fera la même chose que toi, il sera récompensé pour une seule intention. Et c'est pour ça que tu peux trouver deux hommes dans un même rang, derrière le même imam. Ils font la même salat. Et entre les deux, comme entre le ciel et la terre, un écart immense dans la récompense. Donc parmi les intentions qu'il a citées, « ينوي نشر العلم وتعليمه » comme intention de propager la science et de l'enseigner. « وَبَثَّ الْفَوَائِدِ الشَّرْعِيَةِ » et de répandre les leçons religieuses. « وَتَبْلِيغَ أَحْكَامِ اللَّهِ تَعَالَى أَلَّتِ اُتُمِنَ عَلَيْهَا وَأُمِرَ بِبَيَانِهَا » également avoir comme intention de transmettre les règles de la religion d'Allah qui lui a été confiée de transmettre les règles de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa lizdiyada min al-ilm. Également, il met comme intention d'augmenter sa science. d'augmenter sa science. Car quand tu fais un cours, tu le prépares. Et quand tu le donnes, on te fait des remarques. Et s'il y a des élèves brillants parmi ceux qui t'écoutent, ils vont te discuter dans certaines choses. Bien évidemment, discuter avec adab, avec l'ulama. Et discuter en voulant approfondir la question et augmenter sa science. Et non pas pour montrer l'alim que tu connais mieux que lui. Car l'alim, il peut avoir un oubli par rapport à un point, à un moment, ou carrément ignorer un point de la religion. Et toi qui es débutant, tu le connais, parce que tu l'as appris. Ça ne veut pas dire que tu viens et tu montres que tu connais mieux que l'alim. Ça, c'est parmi les pires des intentions dans la science. Quand tu vas vers l'alim, c'est en voulant profiter de lui. Et s'il a fait une erreur, tu lui montres son erreur d'une manière subtile et avec beaucoup de délicatesse. Et tu choisis la meilleure des façons pour le faire. Et si t'es pas capable, tu charges une autre personne qui en a les capacités. Donc, avoir comme intention d'augmenter sa science. Vous savez que parmi les raisons qui ont fait que le livre de Al-Hafidh Ibn Hajar, Fath al-Bari, l'explication de l'authentique de l'imam al-Bukhari, la meilleure explication qui a été faite jusqu'à aujourd'hui, au point que Shawkani, rahimahullah, a dit « La hijrata ba'd al-Fath ». Il n'y a plus d'émigration après al-Fath. Al-Fath, yani la conquête de Mecca. Mais lui, il a voulu, après Fath al-Bari de Ibn Hajar, après ce livre, qui va venir faire une autre explication de l'authentique de l'imam al-Bukhari. C'est ça le sens de sa parole. Et parmi les raisons qui ont fait que son sharh était un concentré de fawaïd, c'est qu'il expliquait à ses élèves, et parmi ses élèves, il y avait le Hafidh Sakhawi. Il y avait beaucoup de grands savants parmi ses élèves. Et quand il leur donnait l'explication, il la notait et des fois il discutait avec lui. Il corrigeait des choses, il rajoutait des choses, il retirait des choses. Et de cette manière, avec cette étude en groupe avec ses élèves, il a pu faire sortir, c'est parmi les causes, après l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a pu faire sortir cet ouvrage, yani parmi les grands ouvrages de l'islam. Et vous savez que Al-Hafidh Ibn Hajar, c'est pas un Ash'ari à 100%. Dans beaucoup d'endroits dans son livre, il a falsifié des attributs d'Allah à la façon de l'Ash'a'ira. Et dans d'autres endroits, il les a expliqués conformément à la méthode de Salaf. Conformément à la méthode de Salaf. Mais c'est un hafid, mujtahid, qui a visé la vérité, mais par rapport à ces points-là, comme la plupart de ses chouyours étaient sur cette aqida, il a suivi dans ses erreurs, malgré qu'il n'est pas comme Nawawi rahimahullah, comme disent les savants. Nawawi rahimahullah, dans son livre, dans son explication de l'authentique de l'imam muslim, il est quasiment tout le temps en accord avec l'Asha'ira. Car Nawawi, il a profité de deux savants qui ont expliqué l'authentique de muslim. Et les deux, ce sont des malikis. Le premier, et c'est le premier qui a expliqué l'authentique de l'imam muslim, Al-Mazari, un grand savant maliki qui est un grand ash'ari. Et le deuxième, Al-Qadi Iyad, Al-Sabti, de la ville de Sabta au Maroc. C'est un maliki aussi, et c'est un ash'ari également. Ces Asha'ira, et l'Asha'ariya, c'est un grand égarement sans aucun doute. Mais ces Asha'ira, comme ceux-là que je viens de citer, ne combattaient pas ceux qui suivaient la méthode de Salaf. Ils ne les combattaient pas. Parce que pour eux, ils voyaient que les deux façons étaient autorisées. Alors que c'est faux. Contrairement à d'autres Asha'ira, tels que Ibn al-Arabi, al-Maliki, un grand savant, et aussi un grand Ash'ari, mais comme celui-là, ce Ibn al-Arabi, il a mené beaucoup de batailles contre Ahl-Sunna wal-Jama'a. Alhamdulillah, les savants nous ont mentionné les erreurs qu'il y a dans Fath al-Bari et dans Al-Minhaj, l'explication de l'authentique de l'imam muslim de Nawawi. Et Nawawi, comme il dit notre cheikh, notre noble cheikh, l'allama Abdel Mohsin al-Abbad, qu'Allah le préserve, que Nawawi est revenu sur l'Ash'ariya. Vers la fin de sa vie, il a commencé à écrire une aqidah en conformité avec l'aqidah de Salaf, mais il n'a pas pu la terminer. Mais ce qu'il a écrit est en conformité avec l'aqidah de Salaf. Donc ces savants, ils n'ont pas fait beaucoup d'efforts dans le domaine de l'aqidah. Et ça, c'était l'erreur. Ils se sont contentés de prendre de leur chouyour. Et comme c'était l'aqidah, cette aqidah a été propagée, ils ont pris la plupart de leur chouyour était sur l'aqidah l'Ash'ariya. Je ferme cette parenthèse. Ensuite, il a dit « وَإِظْهَارَ الصَّوَابِ وَالرُّجُوعَ إِلَى الْحَقِّ » et aussi de montrer aux gens la vérité et de revenir lui-même à la vie juste et de se regrouper autour de l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala et de passer salam à ses frères parmi les muslimines et de faire dua pour les pieux prédécesseurs « وَالدُعَاءُ لِلسَّلَفِ الصَّالِحِينَ » Donc tout ça, c'est des bonnes intentions que le savant puisse avoir dans un seul cours. Et il y en a d'autres. Rappelez-vous toujours que le livre, il l'a appelé « Tadhkirato ». C'est un petit rappel. C'est comme une sorte de mémo, un petit rappel, dans lequel il a cité ce qu'il a estimé parmi les règles de politesse les plus importantes. Le deuxième, « Idha kharaja min baytihi » دعا بالدعاء الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل وأعوذ أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك ثم يقول بسم الله وبالله حسبي الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ثبت جناني وأدر الحق على لساني. Notez un point avant de commencer ce deuxième adab, que il y a certains savants qui font preuve de laxisme par rapport aux hadiths dans lesquels sont rapportées des invocations du prophète alayhi salatu wassalam. Car l'invocation, de manière générale, du moment qu'elle contient pas un interdit, elle reste autorisée. Tu peux dire ya rabbi ighfir li, en darija, en français, dans ta langue, dans une autre langue, il n'y a pas de mal en cela. Ça, de manière générale. C'est pour ça, même s'il y a des ahadiths qui sont faibles, ils les citent. Ça, vous le trouvez souvent dans les livres des savants. Surtout quand vous lisez dans les livres, les grands livres, tels que l'Adhkar de Nawawi Rahimallah et autres. Le mieux, c'est de se limiter à ce qui est rapporté authentiquement. Alhamdulillah, on a des hadiths dans lesquels il y a des Adhkar rapportés authentiquement et qui nous suffisent, alhamdulillah. Après, dire un dhikr qui n'est pas rapporté authentiquement, sans croire que c'est une sunna, il n'y a pas de mal en cela. Du moment qu'il ne contient pas une transgression ou un interdit. mais quand tu le dis comme une sunna, il faut qu'il soit rapporté authentiquement. C'est pour ça qu'il a cité le premier hadith. Il a dit le deuxième adab, quand il sort de chez lui, le savant quand il sort de chez lui, il fait des, il cite les invocations qui sont rapportées, il dit dua, mais il veut par dua, l'adhkar. L'adhkar, yani les évocations d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont rapportées d'une manière authentique. Il a cité le premier, effectivement le premier est rapporté authentiquement. Allahumma inni a'udhu bika an adilla ou udall, ou azilla ou uzal. Celui-là, vous le trouvez dans la citadelle, c'est un hadith rapporté authentiquement. Mais il a rajouté à la fin, azza jaruk. وَجَلَّ ثَنَاءُكْ وَلَا إِلَىٰ غَيْرُكْ. Ça, c'est pas rapporté authentiquement. Mais sinon, jusqu'à أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيْهِ, c'est la partie que vous trouvez dans les citadelles qui rapporte ce qui est authentique. Et le deuxième, Bismillah وَبِاللَّهِ. Donc, le premier a été jugé Hassan par Al-Hafidh ibn Hajar dans Fath al-Bari. Et le deuxième est rapporté par l'imam Abu Dawud et Tirmidhi, selon Anas. Il a été jugé bon également par Al-Hafidh ibn Hajar. Mais la formule exacte, c'est de dire Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ces trois paroles. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata, la hawla wa la quwwata illa billah. Ça, c'est une dua extrêmement importante à ne pas négliger, surtout la deuxième qui est rapportée authentiquement du prophète alayhi salatu wassalam, et celui qui l'a dit, shayatin s'écarte de lui, ils se disent l'un à l'autre, qu'est-ce qu'on peut faire à quelqu'un, yani comme mal, qui a dit cela et qui a été préservé et bien guidé et qui a été suffi, Allah lui suffit. Il le protège de tout mal quand il dit Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Dans celui-là également, vous constatez qu'il a rajouté, yani à la fin, Allahumma thabbit janani wa adir al-haqq ala lisani. Ou Allah raffermit mon cœur et fait sortir la vérité, yani sur ma langue. Fais-moi parler avec la vérité. Et il reste dans l'adhkar et dans le dua jusqu'à arriver à son cours, à l'endroit où il va donner son cours. Ça, c'est des recommandations. C'est des recommandations. Yani, le savant, il ne doit pas perdre son temps dans des futilités. Depuis sa sortie de chez lui jusqu'à arriver à l'endroit où il va donner ce cours, il reste dans l'adhkar, ou comme faisait Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah et d'autres savants, il répondait aux questions jusqu'à arriver à l'endroit où il va donner son cours. Et ensuite il a dit wa salla rak'atayni in lam yakun waqta karaha fa in kana masjidan ta'akkadat mutlaqa. Ensuite il fait deux rak'at si c'est pas une mosquée. Si c'est pas une mosquée. Mais par contre, si c'est une mosquée, il a dit, il fait les deux rak'at de manière absolue. Que ce soit un moment où la prière est détestable ou pas. Et ça, rappelez-vous que Ibn Jama'a, c'est un Shafi'i. Donc ça, c'est le madhab de l'imam Shafi'i. C'est l'avis de l'imam Shafi'i et c'est l'avis juste par rapport à cette question. L'imam Shafi'i, il voit que pendant les moments où la prière est détestable, la prière surrogatoire est détestable, on ne prie pas, excepté les prières ayant une cause, excepté les prières ayant une cause qu'il appelle « ذَوَاتُ الْأَسْبَابِ ». Les moments où la prière est détestable sont de trois. Après la prière de Subh, jusqu'à le lever du soleil, d'une distance d'une lance, et avant, du moment où le soleil se met au zénith, en plein milieu du ciel jusqu'à ce qu'il s'écarte un petit peu. Et le troisième, c'est quand le soleil s'apprête, c'est après l'asr, c'est après l'asr. Après l'asr jusqu'au coucher du soleil. Ça, ce sont trois moments. Après, dans ces trois moments, il y a des moments où c'est plus aggravé. Pour le premier, depuis Salat Subh jusqu'au lever du soleil, le moment où cela est aggravé, c'est quand le soleil commence à se lever jusqu'à ce qu'il se lève. Et dans Dhuhr, c'est le même. Dans Al-Maghrib, c'est quand le soleil s'apprête à se coucher jusqu'à ce qu'il se couche, c'est-à-dire un quart d'heure à peu près avant le coucher du soleil. Et Subh, à peu près un quart d'heure après le début du lever du soleil, jusqu'à ce qu'il soit levé, un quart d'heure à peu près. Dans ces moments-là, la chose est encore plus aggravée. Et l'imam Shafi'i voit que dans tous ces moments, on ne prie pas les prières surrogatoires, excepté les prières ayant une cause, telles que la prière de Tahiyyat al-Masjid, la salutation de la mosquée. Mais la prière de Tahiyyat al-Masjid, ça se prie dans une mosquée seulement. Ça ne se prie pas dans un musalla. Ça se prie dans une mosquée. Une mosquée, c'est un endroit qui a été réservé à la prière et qui n'appartient plus à personne, qui a été donné pour les musulmans et consacré pour une mosquée dans laquelle il y a un imam fixe. Ça, c'est une mosquée. Dans une mosquée, il y a des savants qui n'exigent pas la condition qu'il y ait un imam ratib, un imam fixe. Du moment qu'ils trouvent qu'il est dirigé dans la salat, ils exigent seulement la première condition, que ce soit un waqf, et dans lequel, bien évidemment, on prie les cinq prières. Quotidiennes. Ça, c'est Al-Masjid. Donc, s'il vient dans une mosquée, naam, là, on est d'accord, il va faire Tahiyyat Al-Masjid avant de commencer son cours. Même si c'est un moment où la salat surrogatoire est détestable, selon l'avis de Shafi'iyya, et comme je vous ai dit, c'est l'avis juste, Wallahu A'lam. C'est l'avis de Cheikh Ibn Baz, de Cheikh Ibn Uthaymeen, de Cheikh Al-Albani. ثم يدعو الله تعالى بالتوفيق والإعانة والعصمة ويجلس مستقبل القبلة إن أمكن بوقار وسكينة وتواضع وخشوع متربعة أو غير ذلك مما لم يكره من الجلسات. Ensuite, il invoque Allah de lui accorder son soutien et son aide et de le préserver de l'erreur et de l'égarement et il s'assoit si c'est possible en direction de l'Qibla. Donc ça, c'est pas une condition. Et par rapport à la sunna, il n'y a rien qui dit que le savant, quand il donne un cours, il s'assoit en direction de l'Qibla. Mais si sa chaise est placée dans cette situation-là, il n'y a pas de mal. Et il a dit, il s'assoit avec un bon aspect, avec une sérénité, avec une modestie et une concentration en étant dévotion et concentration en étant accroupi ou dans une autre position parmi les positions qui ne sont pas détestables. Donc il évite les positions détestables. Il s'assoit dans la position qui lui convient, dans laquelle il est à l'aise, il est bien reposé, tout en évitant les positions détestables. Il va les citer. Il a dit, voilà, il ne s'assoit pas sur les talons. Yani, vous savez, il plie ses jambes, il s'assoit sur ses talons. Ça, c'est une sunna quand on s'assoit entre les deux prosternations dans la salat. De temps en temps. Comme a dit l'imam Al-Albani, c'est rapporté sur Abdullah ibn Abbas. Il a dit également, il ne s'assoit pas comme celui qui s'apprête à partir. Et ça, c'est la position, cette position-là, c'est quand la personne elle va s'asseoir en pliant ses jambes, elle va s'asseoir sur les genoux. Et elle va laisser, elle va hausser son derrière. Elle va pas s'asseoir par terre avec son derrière, mais la personne va être sur les genoux. J'espère que vous voyez comment c'est, cette position. Également, il ne s'assoit pas en plaçant une jambe sur l'autre, ni en longeant son pied sans qu'il ait une excuse, ni en s'appuyant sur sa main, que ce soit la main, qu'il place sa main sur le côté ou derrière le dos. Il ne s'appuie pas sur sa main. Et il doit faire attention à ne pas ramper et se déplacer de l'endroit dans lequel il s'est assis. Il reste dans un même endroit, yani dans une sérénité et dans une stabilité, et il évite وَيَدَيْهِ عَنِ الْعَبَثِ وَالتَّشْبِيكِ بِهَا. Également, il évite de jouer avec ses mains ou ses doigts ou de les entrecroiser. Il doit éviter tout cela. Également, il évite de tourner fréquemment sa tête sans qu'il y ait un besoin et de regarder à droite, à gauche. Il doit rester dans une position de sérénité et de tranquillité qui inspire le respect et qui montre une certaine prestance pour l'homme de science. Et il fait tout cela pour que les gens estiment la science qu'il donne et non pas sa personne. وَيَتَّقِ الْمُزَاحَ وَكَثْرَةَ الضَّحِكِ فَإِنَّهُ يُقَلِّلُ الْهَيْبَةَ وَيُسْقِطُ الْحِشْمَةَ كَمَا قِيلَ مَنْ مَزَحَ اسْتُخِفَّ بِهِ وَمَنْ أَكْثَرَ مِنْ شَيْءٍ عُرِفَ بِهِ. Également, il doit éviter les plaisanteries et de rire beaucoup. S'il doit faire un sourire par rapport à quelque chose, comme ou là il rit d'une chose, comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a ri dans des ahadiths, comme cela est rapporté dans certains ahadiths, mais c'était avec une juste mesure. Il doit éviter les plaisanteries, il a dit, et de rire beaucoup, car ceci diminue le respect et la prestance que se doit d'avoir l'homme de science. Également, ça enlève la pudeur et le respect des gens. Comme il a rapporté une parole, comme ils ont dit, man mazaha istukhiffa bihi, celui qui plaisante, il sera pris à la légère. Et celui qui exagère dans une chose, il sera connu avec. Yani ici, l'homme de science, il plaisante dans un cours, peut-être que des gens vont venir et vont oser avec lui des choses qu'ils n'oseront pas normalement s'ils gardent ce respect et cette prestance qu'il doit respecter dans son cours. Également, si un savant, il est connu par rigoler, blaguer dans ses cours, il sera connu avec cela. Man akthara min shay'in 'urifa bihi. Et ça, c'est valable, comme vous le constatez, je voulais le mentionner au début de ce chapitre, mais je l'ai oublié. Vous constatez que ces adab ne sont pas spécifiques à l'homme de science, mais il est parmi les personnes les plus à même à les avoir. Et toi aussi, tu ne dois pas exagérer dans les plaisanteries, même avec tes frères, desquels t'es proche, et encore pire devant l'awam, encore pire devant l'awam. Car celui qui exagère dans une chose, il sera connu avec. Vous savez, un tel, celui qui rigole tout le temps, celui qui n'arrête pas de plaisanter. Et celui qui est dans l'apprentissage, il doit éviter ces choses-là, car ça, c'est l'adab des ulama qu'on doit suivre. qu'on doit suivre également. Ensuite, il a dit ولا يدرس في وقت جوعه أو عطشه أو همه أو غضبه أو نعاسه أو قلقه. Il ne doit pas enseigner et dispenser des cours pendant les moments où il a faim, ou les moments de soif, ou les moments de souci, ou de colère, ou de début de somnolence, ou de dérangement. Également, il ne doit pas dispenser des cours quand il a un froid douloureux, et également quand il a très chaud, quand il a très chaud au point où ça le dérange. Car toutes ces choses-là qui ont été citées peuvent l'empêcher de répondre avec la vie juste. Ça peut le déconcentrer et le perturber et donner une réponse erronée. Également, ça peut l'empêcher de ne pas bien assimiler ce qu'on lui dit. Le troisième adab, أن يجلس بارزا لجميع الحاضرين ويوقر أفاضلهم بالعلم والسن والصلاح والشرف ويرفعهم على حسب تقديمهم في الإمامة. Le troisième adab, c'est de s'asseoir à un endroit visible pour tous ceux qui assistent à son cours, pour tous les présents, et de respecter les gens du mérite parmi eux, que ce soit les hommes de science qui assistent à son cours, de les respecter et de leur donner des places qui conviennent à leur science ou à leur âge ou à leur piété ou à leur noblesse, et de les placer selon l'ordre dans l'imama, selon l'ordre dans l'imama. Yani l'ordre pour diriger la salat, comme c'est rapporté dans le hadith authentique. Le Nabi alayhi salatu wassalam nous a enseigné que celui qui dirige les gens dans la salat, en premier lieu, celui qui connaît le plus de Qur'an par cœur, أقرأهم لكتاب الله, celui qui connaît, qui mémorise le plus de Qur'an. Ensuite, celui qui connaît le mieux la sunna et les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. En troisième lieu, le plus ancien dans l'émigration. Le plus ancien dans son émigration. Parmi les premiers qui ont émigré. Et vous voyez le statut de l'immigration, de l'hijra. Et ensuite, le plus ancien dans l'islam. Le plus ancien dans l'islam. Et dans une autre version, à la place du plus ancien dans l'islam, le plus âgé parmi eux. Le plus âgé parmi eux. Donc ça c'est l'ordre dans l'imam, pour diriger la salat. Ça bien évidemment, quand il n'y a pas un imam fixe. Quand il y a un imam fixe, c'est l'imam fixe qui dirige. Également l'homme dans sa maison, c'est lui qui a le droit de diriger. Après il peut le donner à quelqu'un d'autre. Mais même si lui il ne connaît que le Fatiha et qu'il dit Allah Ahad, c'est lui qui a le droit de diriger et non pas celui qui connaît le Coran en entier, par cœur. Sauf si il lui laisse ce droit, il lui donne ce droit pour diriger la salat. وَيَتَلَطَّفَ بِالْبَاقِينَ. Pour le reste, ceux qui n'ont pas des mérites parmi ce qui a été cité, il doit faire preuve de gentillesse avec eux et de les honorer également en leur passant le salam, en les rencontrant avec un visage souriant et radieux, un visage joyeux et réjoui et avec plus de respect. Yani de les respecter, avancer ceux qu'on doit avancer dans le statut, ne veut pas dire mépriser le reste. Mais il place chacun à la place à laquelle Allah subhanahu wa ta'ala l'a placé, selon l'apparence des gens. Et ensuite, il a cité une mas'ala. Il a dit, وَلَا يُكْرَهُ الْقِيَامُ لِأَكَابِرِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ عَلَى سَبِيلِ الْإِكْرَامِ وَقَدْ وَرَدَ إِكْرَامُ الْعُلَمَاءِ وَإِكْرَامُ طَلَبَةِ الْعِلْمِ فِي نُصُوصٍ كَثِيرًا. Il a dit, il n'est pas détestable de se lever pour saluer, yani, il n'est pas détesté de se lever pour les grands dans l'islam et de les honorer de cette manière. Car il a été rapporté l'importance de la bonté, du respect et d'honorer les savants et les étudiants en sciences dans beaucoup de textes. Je vous résume cette mas'ala. Les savants disent, il est autorisé de se lever pour saluer un homme, mais il n'est pas autorisé de se lever et de l'honorer de cette manière. Tu te lèves pour le saluer, il n'y a pas de mal. C'est ça l'intention. Mais comme c'est pratiqué dans certaines sociétés, où les gens, quand ils voient un homme important, ils se lèvent devant lui. Ils l'honorent de cette manière, ça, yani, ce n'est pas conforme à la sunna. Mais si quelqu'un vient, tu te lèves pour le saluer, il n'y a pas de mal. Ou quelqu'un qui vient de voyage, encore plus. Et ça, c'est rapporté dans les textes. Le Nabi alayhi salam s'est levé pour Sa'd ibn Mu'ad, radiyallahu anhu. Et il s'est levé pour montrer son statut. Pour montrer son statut. Radiyallahu anhu. Donc on se lève pour saluer quelqu'un, il n'y a pas de mal. Mais on se lève pour l'honorer de cette manière, ça c'est pas permis. Et le mieux, pour sortir de la divergence, le mieux c'est de, quand tu salues quelqu'un, c'est de rester assis. S'il n'y a pas besoin de se lever, tu peux rester assis et tu lui tends la main. Sauf si tu veux le croiser, à ce moment-là, il n'y a pas de mal à le faire. ويلتفت إلى الحاضرين التفاتا قصدا بحسب الحاجة. Il se tourne pour ceux qui sont présents dans son cours, il se tourne vers eux selon le besoin. Si quelqu'un lui parle, lui adresse la parole, il lui adresse la parole ou il lui pose une question ou il veut étudier quelque chose avec lui, il lui demande davantage de clarification et d'explication. Alors, il n'y a pas de mal à ce qu'il se tourne vers lui. Car ne pas le faire, ça fait partie des actes des orgueilleux et des hautains et des mégalomanes. Les gens orgueilleux, c'est eux, quand tu t'adresses à eux, ils ne te regardent pas. Mais se tourner vers quelqu'un qui te parle, qui te pose une question, ça, ça fait partie de l'adab que le savant se doit d'avoir. Non, ça c'est comme t'as dit Akhil Karim, c'est par rapport à ce point où c'est rapporté, yani, l'interdiction. C'est exactement dans cette circonstance. Il se lève, non pas pour passer salam, mais pour soi-disant honorer et vénérer la personne. Qu'Allah te facilite, Akhil Karim. Si tu peux l'éviter sans que ça t'occasionne des problèmes, c'est ce qu'il faut faire. Qu'Allah te facilite. Taïb. Et il ne doit pas se refuser à se tourner vers quelqu'un parce qu'il est petit dans l'âge ou parce qu'il a un statut bas. Il ne fait pas partie des nobles et des notables. Il se tourne vers les gens d'une manière égale et impartiale. Il respecte, yani, les gens et il ne se refuse pas à se tourner vers quelqu'un parce que c'est un petit, c'est un enfant, ou quelqu'un parce qu'il est, il ne fait pas partie des notables. Ça, il ne doit pas le faire. Ensuite, il est passé au quatrième adab. أن يقدم على الشروع في البحث والتدريس قراءة شيء من كتاب الله من كتاب الله تعالى تبركا وتيمنا وكما هو العادة فإن كان ذلك من مدرسة شرط فيها ذلك اتبع الشرط. Donc le quatrième adab, il a dit avant de commencer son cours de commencer avec la récitation de quelques versets du Coran, du livre d'Allah, en cherchant la baraka et la bénédiction, comme ceci est pratiqué dans la coutume dans les écoles. Et si celui qui a construit l'école et qui a fondé l'école, il a exigé cela, il a dit ça doit être respecté, car pour lui il n'y a pas de mal en cela. Et vous savez que les conditions qui sont fixées se doivent d'être respectés, sauf si c'est des conditions qui ne sont pas en conformité avec la religion d'Allah. Donc pour lui, s'il n'y a pas de mal en cela, alors ça doit être respecté, si jamais c'est une condition par le fondateur de l'école dans laquelle le savant enseigne. Il doit respecter cela dans ses cours, de toujours commencer avec quelques versets du Coran. Comme vous savez, commencer avec le Coran avant de faire une kalima, ceci n'est pas une sunna. Comprenez bien ce que ça veut dire, n'est pas une sunna. Une sunna, c'est ce que le Nabi a.s.w. fait à des moments bien précis, avec une certaine régularité, une certaine constance. Même s'il le fait une fois par mois, c'est une sunna. Par exemple, à chaque fois que le Nabi a.s.w. voyez la lune naissante, al-hilal, il faisait un dhikr. Ça, c'est une sunna. Il y a des sunan, c'est une fois par an. Il y a des sunan, c'est une fois dans la vie. Et ainsi de suite. Donc, dans la sunna, il y a une constance et une régularité dans sa pratique. Mais le fait de venir et de lire quelques versets sans qu'il y ait une constance et sans que les gens voient que c'est une obligation, et que le cours ne peut être donné qu'après la récitation des versets du Coran, à ce moment-là, ça peut devenir une bid'a. Donc faire lire le Coran, comme ça peut se faire dans certains mariages, ou dans certaines aqiqas, lire quelques versets du Coran, et ensuite faire un rappel très court, et il ne faut pas que ce soit un rappel lent, parce que dans ces rencontres, les gens ne se réunissent pas pour écouter des cours. Ils se réunissent pour se voir et se yani et manger et prendre plaisir de cette manière-là. Malgré ça, les savants, comme Cheikh Al-Albani, ne voient pas de mal à le faire, surtout à notre époque où c'est devenu difficile d'avoir les gens pour leur faire da'wah pour tawhid et de profiter d'exploiter ces occasions. Pour propager Tawhid, sans lasser les gens. Donc, si il récite le Coran de cette manière, sans qu'il y ait une constance, ça reste autorisé. Ensuite, il a dit, il fait des invocations après la fin de l'arrestation du Coran pour lui et pour les présents et pour tous les musulmans. Il cherche refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre Shaitan et il dit Bismillah, il adresse à Allah les éloges qui lui conviennent, et il fait la salat sur le prophète alayhi salatu wassalam. Il demande à Allah d'agréer les imams des musulmans et ses savants et ses chouyours, et il fait des invocations pour lui-même et pour ses parents et pour ceux qui sont présents et pour leurs parents également. Et pour celui qui a construit l'école dans laquelle il enseigne, et il demande à Allah de le récompenser pour cette bonne œuvre. Donc tout ça, c'est des choses qui sont recommandées de manière générale. Faire du'a, tout ça, il n'y a pas de mal. sauf si des gens peuvent croire que c'est une sunna. Et on ne peut faire un cours qu'après des doigts. Vous voyez que les savants, pour ne pas que les gens ne pensent pas que c'est une sunna, et c'est quelque chose qui doit être pratiqué tout le temps, ils le font des fois, et des fois ils ne le font pas. Et ça, pour faire comprendre aux gens que ce n'est pas une sunna qui doit être faite obligatoirement avant chaque cours. Ensuite, il a cité le fait de commencer dans le dua, de commencer par soi-même, et ensuite de faire dua aux autres. Il a justifié, il a dit « وَالْإِثَارُ بِالْقُرَبِ وَمَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ شَرْعًا خِلَافُ الْمَشْرُوعِ » Donc là, il a cité une grande question importante dans le fiqh. Une question très très importante dans le fiqh. Est-ce qu'on peut préférer notre frère ou notre sœur dans l'islam ou dans le sang, le faire passer avant nous dans une adoration? Il a dit que ceci n'est pas légiféré. Ceci n'est pas légiféré. Et ça, c'est l'avis juste chez les hommes de science, que dans les adorations, tu commences par toi-même. Et dans Dunia, tu commences par tes frères et tes sœurs. Nous, des fois, malheureusement, on fait l'inverse. Tu arrives dans le premier rang et tu as une place, au lieu de la prendre, car le premier rang a un mérite supérieur au deuxième rang, et tu vas laisser la place à quelqu'un d'autre, alors que tu es arrivé le premier, et tu vas lui laisser la place. La place dans laquelle il y a le plus de récompenses. Et dans Dunia, tu vas commencer par ta personne. Donc, si on agit de cette manière, on a inversé les choses. Dans les adorations, on commence par nous-mêmes. Bien évidemment, quand je dis on commence par nous-mêmes, par exemple dans le premier rang, ça ne veut pas dire tu vas courir et essayer de devancer l'autre. Mais on parle de celui qui arrive normalement dans un endroit, il le prend, il ne laisse pas pour l'autre. Il le prend pour lui. Et dans les adorations de manière générale, c'est ainsi. Tu commences par toi-même. Comme Allah Azza wa Jalla dit, « Ya ayyuha alladhina amanu, qu'u anfusakum wa ahlikum nara » Dans le sens, « Ô vous qui avez cru, préservez vos propres personnes. » Il a commencé par vos propres personnes. Et ensuite, vos familles d'un feu. Et vos familles d'un feu. Donc, on commence par nous-mêmes. Et comme a dit le Nabi alayhi salallahu alayhi dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, « Ibda bi nafsika, thumma bi man ta'oul » Commence avec ta personne, et ensuite avec ceux dont tu as la responsabilité, ceux qui sont sous ta charge et ta responsabilité. Yani, qu'elle soit plus âgée ou pas âgée. Yani, si tu arrives la première ou si tu arrives le premier dans le rang, tu prends la place. Vous savez que dans le rang, la récompense varie. La meilleure des places, c'est la place derrière l'imam. Et ensuite, le premier rang, les meilleures positions dans le premier rang, après celui qui est derrière l'imam, c'est à droite de l'imam. Ceux qui sont à droite de l'imam. Ensuite, ceux qui sont à gauche de l'imam. Ceux qui sont à gauche. Donc, une personne à droite, une personne à gauche. Une personne à droite, une personne à gauche, de cette manière. Donc ça, c'est les meilleures places dans un rang. Je ne sais pas si vous avez compris, si j'ai été assez clair par rapport au classement dans le mérite, dans le rang. Le premier rang est meilleur que le deuxième, et le deuxième est meilleur que le troisième. Ça, c'est pour les hommes. Pour les femmes, le dernier des rangs est meilleur que l'avant-dernier. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver au premier rang. Jusqu'à arriver au premier rang. Ça, c'est dans le cas où il n'y a pas de séparation entre les mosquées des femmes et des hommes. Mais s'il y a une séparation et que les hommes ne voient pas les femmes, vous savez, à l'époque du prophète, il n'y avait pas de séparation entre les hommes et les femmes. Les hommes priaient devant et les femmes priaient derrière. Donc si on est dans une mosquée comme ça sera cette règle-là. Mais si on est dans une mosquée où il y a une séparation entre les hommes et les femmes, alors les meilleurs des rangs des femmes, c'est les premiers rangs, comme les hommes. Pourquoi, dans le cas où il n'y a pas de séparation, ça a été inversé? Car les meilleurs des femmes, c'est les femmes qui sont les plus loin des hommes. Et c'est pour ça la meilleure des prières de la femme, c'est sa prière chez elle. Et encore meilleure, sa prière dans sa chambre. Donc la femme, plus elle s'éloigne des hommes étrangers, mieux ça sera pour elle. Mais dans le dunya, sahaba, ils préféraient les autres à leur propre personne, comme bien même ils étaient dans le besoin. Comme j'ai dit, nous, malheureusement, on inverse. L'argent, dunya, le bon morceau de chocolat, le meilleur morceau de gâteau, c'est pour nous. Mais quand on arrive dans le rang, ou là dans une adoration, on laisse passer alors qu'on est les premiers. C'est-à-dire ceux à qui ça revient de droit. Et je ne veux pas dire courir pour devancer ton frère. Mais je parle du cas où t'es arrivé le premier, ça te revient de droit. Là, tu saisis ton droit. Dans l'adoration, tu préfères personne à ta personne. T'essayes de te sauver, toi, le premier. Et dans le dunya, donne ce que tu veux à tes frères et sœurs. Et de manière globale, il a dit que, yani, que tu commences. Yani, et ça, c'est sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Yani, c'est pas une condition quand tu fais des invocations de commencer par toi-même. C'est pas une condition. Mais si tu fais des invocations à toi et à ton frère, le mieux c'est de commencer par toi. Comme c'est rapporté dans le hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Mais il y a des hadiths où le Nabi alayhi salam a fait dua pour des compagnons, il n'a pas fait pour sa personne. Mais quand il faisait pour sa personne et pour un homme, ou là pour une de ses épouses, il commençait par sa personne, et ça c'est le mieux. C'est le mieux. Le cinquième adab qui a été cité, si il doit donner plusieurs cours, vous savez que ces savants dans ces écoles, ils venaient, ils pouvaient donner 5, 6, 10, une dizaine de cours. Donc il a dit quand il donne plusieurs cours, il commence par la science la plus noble et la plus importante. Et lui, il a cité son classement, il a dit, il commence par l'exégèse du Coran, l'explication du Coran. Ensuite, par le hadith. Il fait suivre le Coran de le hadith. Et ensuite, ce qu'il a appelé au sur le din, c'est le dogme, l'aqida, la croyance. Et ensuite, les fondements de la jurisprudence au sur le fiqh. Et ensuite, le madhab, l'école, et la jurisprudence selon l'école juridique qu'il suit. Par exemple, lui, c'est un Shafi'i, il va donner un cours dans la jurisprudence Shafi'i. Et ensuite, il aborde les divergences, c'est-à-dire il va parler de tous les madhahib et des divergences et des avis les plus forts. Et ensuite, il a dit la science de Nahou. Nahou, c'est l'équivalent de la grammaire en français, à peu près. À peu près, juste pour vous rapprocher cette science, une science extrêmement importante. Extrêmement importante, yani quasiment la science la plus importante dans les sciences de la langue arabe. Et dans la langue arabe, il y a 12 sciences. Il y a 12 sciences dont la plus importante est sans aucun doute ilm al-nahu, la science de Nahu. Et Nahu, c'est une science très simple, très facile, alhamdulillah, très abordable. Yani, tu apprends l'ajromiya, comme a dit Cheikh Uthaymeen. Normalement, t'étudies, même pas condition de mémoriser. T'étudies, tu comprends l'ajromiya, ça te permet de parler sans faire d'erreur en langue arabe. Sans faire d'erreur en langue arabe. On dit, qara'a al-waladu al-qur'ana. Qara'a al-waladu al-qur'ana. Qara'a, le verbe lire. Au passé, qara'a. Al-waladu, le sujet, c'est celui qui accomplit l'acte du verbe. car chaque verbe contient un acte. Qara'a, l'acte, c'est la lecture. Donc, le sujet, al-fa'il, il est toujours marfou en arabe. Al-fa'il marfou. C'est pour ça qu'on dit al-waladu. On ne dit pas qara'a al-walada. On dit qara'a al-waladu. Al-Qur'ana, c'est ce qui est lu. C'est ce qui subit l'acte du verbe. Al-Qur'an, c'est le complément d'objet. En français, direct ou indirect, mais ici on a le complément. Le complément d'objet. Donc ça, c'est une phrase verbale. Ensuite, nous avons une phrase nominale. En arabe, on a deux catégories de phrases. Phrase verbale, phrase nominale. Phrase nominale, elle commence par un nom. Par exemple, Muhammadun, ou là je prends plus simple. Allahu, je prends encore plus simple. Ash-shamsu tali'atun. Ash-shamsu, le soleil, tali'a, levé. Donc Ash-shamsu c'est un nom. En arabe on dit mubtada. Marfou, il a toujours dhamma. Le mubtada toujours marfou. Ash-shamsu. On dit pas ash-shamsa tali'atan. On dit ash-shamsu tali'atun al-khabar, l'attribut. Yani il informe de ce qu'il a le mubtada. Et le khabar également en langue arabe est toujours marfou'. C'est pour ça on dit ash-shamsu avec une dhamma à la fin, tali'atun avec une autre dhamma à la fin. Voilà. Yani ça c'est les grandes lignes de la science de Nahou. Et la langue arabe, c'est la plus belle des langues, sans aucun doute. Et elle est facile. Elle est facile, qu'Allah vous facilite de l'apprendre et de la maîtriser. Et avant de la maîtriser, vous allez pouvoir profiter des savants. Et vous allez vous passer de ce que je fais. Et comme je dis toujours, ne vous inquiétez pas pour moi, il y aura toujours du travail. Il y aura toujours des nouveaux dans l'islam, bi'idhnillah. Mais je vous souhaite, ce que je souhaite à ma personne, c'est que vous arrivez à comprendre la langue arabe et que vous pouvez vous passer. Et c'est pas, ça veut pas dire forcément de mépriser vos frères avec lesquels vous avez commencé votre apprentissage. Comme nous a dit des fois Cheikh Abdurrahman Kouni, qu'Allah le préserve. Mais de pouvoir aller vers la source, aller vers l'ulama. Wallahi, c'est ce que je vous souhaite. Qu'Allah vous le facilite. Si vous êtes sincère et vous faites des efforts et vous faites dua, vous invoquez Allah, vous y arriverez rapidement, bi'idhnillah. Il n'y a pas besoin de plusieurs années pour y arriver. 6 mois de travail d'apprentissage de langue arabe, même encore moins, 6 mois, tu arrives à une bonne maîtrise de la langue arabe. Même encore moins, tu peux commencer à écouter les cours. Alors, c'est pour ça que c'est pas toléré que le frère et la sœur aient dans la salafie une dizaine d'années, une quinzaine d'années, et elle est toujours attachée à la langue française. Yani, son apprentissage se fait totalement en langue française. Ça, c'est pas toléré. Yaïkhwa, c'est pas toléré. Tayyib. Donc ça, c'est le 5e adab. C'est de commencer par les sciences les plus importantes. Tafsir al-Qur'an, la science du hadith, la science de l'aqida, la science des fondements de la jurisprudence, et ainsi de suite. Et il a dit que certains savants, ils terminaient leurs cours avec des exhortations. Et avec quelque chose pour attendrir le cœur et pour inciter les présents à délaisser cette dunya et à d'avoir la patience. Il a cité un point très très important. Il a dit si le savant, il cite dans son cours une ambiguïté. Il ne doit pas reporter la réfutation de cette ambiguïté. Il ne doit pas repousser la réfutation de l'ambiguïté jusqu'au cours prochain. ou bien il cite les deux dans un même cours, ou il cite aucune. Il ne doit pas laisser l'ambiguïté travailler les gens. Et ça, on tire de ça une faïda pour nous. La règle pour toi, Akhi Salafi, c'est que tu ne vas pas écouter n'importe quoi sur YouTube et tu regardes, t'enchaînes les vidéos l'une après l'autre et tu sais pas qui t'écoute. Ça, tu dois pas le faire. Imaginons, t'as fait la gaffe et t'as fait l'erreur. Et cette erreur, Akhi, ne la prends pas à la légère, car ça peut te coûter ta religion. Ça peut te coûter ta droiture. Ça peut te coûter ton istiqama. Ça peut te coûter ton manhaj. Et ça peut te coûter ta aqida, wallah musta'an. Donc ça, c'est des choses. À notre époque, beaucoup de gens les prennent à la légère. Et les salafs, vous connaissez peut-être mieux que moi tout ce qui est rapporté de salafs par rapport à ces points. Ils fermaient les oreilles pour ne pas entendre un verset d'un mubtadi', un verset du Coran, un hadith d'un mubtadi'. Mais si jamais t'as fait l'erreur et t'as attrapé une choubha, faut pas la laisser te travailler. Faut aller vite l'éradiquer et la sortir. Et comment tu peux sortir une choubha et la dissiper? Avec l'ilm. Va vers celui qui va te donner la science et qui va te réfuter et t'aider à dissiper cette ambiguïté que tu as attrapée avec cette erreur. Et ne la laisse pas. C'est pour ça qu'il a dit, quand il cite une ambiguïté dans un cours, il doit la réfuter aussitôt. Il ne doit pas reporter la réfutation au cours prochain. Et pire encore, quand il y a des gens de la masse dans le cours. Quand il y a des gens de la masse dans le cours, ça devient encore pire. Et de manière générale, chez Al-Sunnah wal-Jama'a, quand il cite une ambiguïté, il la détaille pas. Il ne la détaille pas. Et quand il cite la réfutation, il la cite d'une manière détaillée. Il ne doit pas faire durer longtemps son cours jusqu'à lasser ceux qui écoutent. Comme il ne doit pas faire de cours très courts au point où il n'y a aucun profit qui est tiré du cours. Et dans tout cela, il doit respecter l'intérêt de ceux qui l'écoutent. Est-ce qu'il fait durer? Est-ce qu'il fait court? Yani par rapport à ceux qui assistent. On continue ou on arrête? Faut qu'on commence à mettre en pratique. Donc il a dit qu'il faut, yani par rapport à la durée du cours, il doit regarder ce qui est le plus profitable pour ceux qui assistent. Pour ceux qui assistent. S'il voit que c'est profitable pour eux de faire durer longtemps, il fait durer. Mais de manière générale, faut pas que le cours soit très lent, ni très court. Car s'il est très court, ils vont rien retenir. Et s'il est très lent, la plupart d'entre eux risquent de se lasser et de ne plus profiter également. Le sixième adab. Je pensais qu'on allait faire les 12 cette soirée, mais on va faire 6, inshallah, et on s'arrêtera. Et je demande à Allah que ça ne soit à tous profitable et bénéfique. Tayyib, le sixième, il a dit Allah yarfa'a sawtahu za'idan ala qadri al-haja wa la yakhfidahu khafdan la yahsulu ma'ahu kamalu al-fa'ida. روى الخطيب في الجامع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب الصوت الخفيض ويبغض الصوت الرفيع. Donc le sixième adab, il ne doit pas hausser sa voix au-delà du besoin, ni la baisser au point où les gens ne l'entendent pas. Et il a cité un hadith, c'est un hadith qui est menti sur le prophète عليه الصلاة والسلام, dans lequel il y a un menteur. Comme quoi il est rapporté que, comme quoi le Nabi alayhi salam aurait dit, Allah n'aime pas celui qui baisse la voix et celui qui hausse la voix. Ensuite, il a rapporté une parole de Abu Uthman Muhammad ibn al-Shafi'i. Il a dit, ma sami'tu abi يناظر أحدا قط فرفع صوته قال البيهقي أراد والله أعلم فوق عادته Donc il a rapporté une parole d'un enfant parmi les enfants de l'imam Shafi'i. Parmi les enfants de l'imam Shafi'i. Il a dit, je n'ai jamais vu mon père ou j'ai jamais entendu mon père dans un débat avec quelqu'un hausser sa voix. Il n'a jamais haussé sa voix dans un débat avec une personne. Le Bayhaqi, qui est celui qui a propagé le madhab Shafi'i. Le Bayhaqi chez Shafi'iya, c'est comme Ibn Qudama chez le Hanabila. C'est celui qui a propagé le madhab de l'imam Shafi'i. Et celui qui l'a travaillé, et celui qui a fait les grands livres de le madhab Shafi'i. Il a dit, il voulait, et Allah est plus, et c'est mieux, il voulait par cela qu'il ne haussait pas sa voix au-delà de la normale. C'est-à-dire, il parlait normalement. Que ce soit dans un débat ou autre. C'est pas parce que quelqu'un, il est controversé par quelqu'un qui va hausser sa voix au-dessus de la normale. C'est ça le sens. Donc, il ne doit pas hausser la voix, comme il ne doit pas parler très vite, au point où les gens ne comprennent pas. Il doit parler doucement et classer ce qu'il dit, citer ce qu'il dit et ce qu'il relate dans un ordre, afin que lui, le premier, ainsi que ceux qui l'écoutent, afin qu'ils méditent ce qui est rapporté. Car s'ils parlent trop vite, ils vont rien retenir, ils vont pas comprendre, et encore moins méditer ce qu'il dit. Et il a cité que le Nabi alayhi salatu wa salam, il a cité deux points qui sont rapportés dans deux hadiths authentiques, que le Nabi alayhi salatu wa salam, quand il parlait doucement, au point où celui qui l'entend comprend ce qu'il dit. Et dans un autre hadith, que le Nabi alayhi salatu wa salam, il répétait chaque chose trois fois afin que ce soit compris. Les deux sont rapportés dans l'authentique de l'imam al-Bukhari. Donc, Nabi alayhi salam, il parlait doucement au point, comme a dit notre mère Aïcha radiallahu anha, au point où celui qui l'écoute, il pouvait compter le nombre de lettres que contient les mots qui sont cités. C'est-à-dire, il montre bien chaque lettre alayhi salatu wa salam, et il répétait la phrase trois fois. Là, il s'agit de prendre de lui, et de bien retenir, et de bien mémoriser, car il n'écrivait pas directement. Il mémorisait directement de la bouche du prophète, alayhi salatu wa salam. Et quand il termine un point dans son cours, il a dit, il observe un petit moment de silence, afin de laisser l'opportunité à ses élèves de l'interroger ou de lui demander de clarifier une chose qui ne l'était pas pour eux et afin que le cours leur soit le plus bénéfique et le plus profitable. Il a dit car les élèves ne doivent pas interrompre le savant pendant qu'il parle. C'est pour ça, lui aussi, à son tour, il doit leur laisser l'occasion de l'interroger sur ce qui n'a pas été clair pour eux. Le septième adab. An yasuna majlisahu anil lagat. Les derniers adab qui restent, je vais les citer d'une manière résumée. Car, c'est comme des branches de ce qui a précédé. An yasuna majlisahu anil lagat. Il doit préserver son assise des cris et des bruits. Car avec les cris, quand on hausse la voix et quand il y a du bruit, il peut faire des erreurs. Et ça n'aide pas à la concentration. Il a rapporté de Rabi' que son cheikh, l'imam Shafi'i, quand il débattait avec quelqu'un dans un point, et que l'autre passait à un autre point, il lui disait non, on attend de terminer avec ce point-là, et après on passe à celui que tu viens d'aborder. C'est-à-dire, il ne le laisse pas passer d'un sujet à un autre, Et ça, si vous avez écouté Cheikh Al-Albani rahimahullah dans Silsilat al-Huda wa al-Nur, vous trouvez cette méthodologie dans ces débats. Il ne te laisse pas passer un point avant de terminer le point abordé. Et il doit éviter la concurrence et tout ce qui peut amener vers la haine et l'animosité dans les débats et dans les polémiques. Il doit éviter les querelles, tout ce qui peut conduire vers la haine et l'animosité. Le huitième adab, أن يزجر من تعدى في بحثه أو ظهر منه لدد في بحثه أو سوء أدب. Il doit blâmer comme il se doit. Si c'est sévèrement, alors il doit blâmer sévèrement tous ceux qui font preuve d'outrance dans leur étude, ou ceux qui montrent un certain entêtement, ou un manque de adab, un manque de politesse, ou ceux qui refusent de revenir vers la vérité après qu'elle leur soit claire et évidente, ou ceux qui haussent la voix, ou qui font preuve de manque de adab vis-à-vis de certains parmi les présents, ou qui parlent mal de certains qui sont absents. Donc il doit blâmer et punir s'il le faut tous ceux qui font preuve d'outrance et de transgression dans son cours, ou ceux qui ne veulent pas suivre la vérité après qu'elle leur soit claire et évidente, et tous ceux qui font preuve de manque de politesse. Le neuvième adab, أن يلازم الإنصاف في بحثه وخطابه ويسمع السؤال من مورده على وجهه وإن كان صغيرا ولا يترفع عن سماعه فيحرم الفائدة. Le neuvième adab, c'est de faire preuve d'équité et d'impartialité dans son étude et dans ses cours et ses discours, et d'écouter les questions de ceux qui lui adressent des questions, comme bien même c'est un petit en âge, et de ne pas se refuser de l'écouter et ainsi le priver du profit. Et si celui qui lui pose la question, par pudeur, il n'arrive pas à s'exprimer correctement ou exprimer le sens voulu, il peut reformuler lui-même la question et lui demander de confirmer que c'est ça qu'il a voulu. Et s'il est interrogé au sujet d'une science qu'il ne maîtrise pas, il ne doit pas se gêner de dire « je ne sais pas, je ne connais pas ». Car fait partie de la science de dire « je ne sais pas ». Et selon certains, le fait de dire « je ne sais pas » est la moitié de la science. Et rapporté selon Abdullah ibn Abbas, « إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله » Si le savant sort de... Si le savant ne dit pas « je ne sais pas », il sera touché un point mortel. Il sera touché à un endroit qui sera fatal pour lui. Car s'il ne dit jamais « je ne sais pas », forcément il sera interrogé au sujet de choses qu'il ne connaît pas. Il va répondre avec ignorance. Et ça sera fatal pour lui. Et il a été rapporté que le savant se doit d'enseigner à ses étudiants de dire « je ne sais pas ». Tellement il la répète lui-même. Allahu Akbar. Ça, c'est une parole de Salaf. Une autre parole de Salaf qu'il a rapportée, selon Muhammad ibn Abd al-Hakam, il a dit « j'ai interrogé Shafi'i concernant le Mut'a ». Le Mut'a, c'est le mariage de jouissance qui a été légiféré pendant une toute période dans l'islam, au début de l'islam, et qui a été abrogé par la suite. C'est ce que continue à pratiquer Rafida, Shia. L'homme rencontre une femme, ils se mettent d'accord sur une somme, et ils vont se marier pendant 3 jours. ça a été légiféré en islam pendant une toute petite période pour des sagesses, et ensuite ça a été abrogé. Muhammad ibn Abd al-Hakam a demandé à l'imam Shafi'i, il lui a dit, quand ça a été légiféré, est-ce qu'il y avait un divorce, héritage entre les deux? Est-ce qu'il y avait des dépenses obligatoires? Il lui a cité des détails par rapport à cette forme de mariage. Il a dit, Wallahi ma nadri. Il a dit, par Allah, je ne sais pas. C'est pour ça, c'est très important que le savant, il réponde, je ne sais pas. Il enseigne à ses élèves de dire, je ne sais pas. Comment il leur enseigne? C'est de répondre par, je ne sais pas aussi. C'est pour ça, vous entendez ça souvent dans les cours des savants, ils disent, je ne sais pas. Et peut-être tu demandes à un élève dans le cours, il répond. Il a, Abdullah ibn Wahab, l'élève de l'imam Malik, a dit, si je voulais remplir mes livres avec je ne sais pas de la parole de l'imam Malik, je l'aurais fait. Tellement il disait je ne sais pas. Et un grand imam qui est Shu'ba, un de ses élèves lui a dit, on est gêné tellement tu dis je ne sais pas. Il leur a dit, comment me gêner d'une chose de laquelle ne se sont pas gênés les anges d'Allah? قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الله أكبر. Les anges ont dit à Allah, on ne sait pas. Comment moi je vais me gêner de dire je ne sais pas? Le dixième adab, c'est d'accorder une attention supplémentaire aux étrangers qui assistent à son cours. S'il y a des étrangers qui assistent à son cours, qui viennent de loin, c'est de leur accorder une attention particulière et de ne pas se tourner vers eux souvent afin qu'ils ne soient pas gênés, mais de parler avec lui quand il arrive, dès la première fois il arrive, pour qu'il se sente bien et qu'il se sente à l'aise dans le cours. Ça, c'est le dixième adab. Le onzième, il a dit qu'il a été de coutume dans les cours que le savant termine son cours par la parole « Wallahu a'lam ». Et Allah sait mieux. Quand il termine le cours, il dit « Allah sait mieux ». Et également le mufti, après avoir écrit son avis juridique, après avoir donné son avis juridique, il dit « Allahu a'lam, Wallahu a'lam » et « Allah sait mieux ». Comme il a commencé son cours avec « Bismillah », il le termine par « Allah sait mieux ». Également, il a cité « Kafarat al-Majlis » dans une assise, dans la sunna, quand on termine une assise, même si ce n'est pas une assise de science, tu t'es réuni avec tes frères, quand vous voulez vous séparer, il est légiféré que vous disiez « Subhanak Allahumma wa bihamdik, la ilaha illa ant » نستغفرك ونتوب إليك. Ou si tu l'as dit seul, tu dis سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك أتوب إليك كفارة المجلس. Hadith authentique. Le douzième et le dernier des adab qui ont été cités, c'est de ne pas prendre les devants de l'enseignement et commencer à enseigner avant de devenir habilité pour cela. Et de ne pas citer dans son cours une science qu'il ne connaît pas et qu'il ne maîtrise pas. Et de parler qu'avec ce qu'il connaît. Et il a dit que celui qui parle avec ce qu'il ne connaît pas, il rentre dans le hadith dans lequel le Nabi Aïssa sallam a dit « Al-mutashabbi'u bima lam yu'ta kalabisi thawbay zour » Wallah al-musta'an. Celui... Yani le sens de ce hadith, que celui qui s'embellit avec une chose qui ne lui appartient pas et qui ne l'a pas en réalité, il s'embellit avec ce qu'il n'a pas, alors celui-là, il s'embellit avec le faux. Et celui-là est un menteur, comme celui qui porte la tenue des savants, le vêtement des savants, comme ici en Arabie Saoudite. Les savants, ils ont yani, un vêtement qu'ils portent au-dessus de leur camis. Il ne porte pas que le qamis. Il porte le qamis et au-dessus du qamis, il porte ce qu'ils appellent le mishlih. Et ça a d'autres noms. En tout cas, ça c'est pour les savants. Donc quelqu'un qui a un petit talib ou un petit talib ilm, il commence à s'habiller comme les savants pour montrer qu'il est un savant. Et ça, je l'ai déjà vu en France. Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà vu en France. Des gens qui font khutbat al-jumu'a avec des vêtements que portent normalement les savants. Et celui-là, avec ce hadith, mutashabbi'un bima lam yu'ta, car c'est pas un savant. Alors pourquoi il s'habille comme les savants? Il s'embellit avec le faux et avec le mensonge. Wal'iyadu billah. Et il a rapporté une parole de Shibli dans laquelle il a dit « Man tasaddara qabla awanih, faqad tasadda li hawanih. » Celui qui prend les devants et qui commence à enseigner avant son temps, alors il s'est avancé pour son rabaissement et pour son humiliation. Et ça également, c'est des choses que certainement vous connaissez. Des gens qui ont commencé à donner des cours alors qu'ils n'ont jamais étudié, ou qu'ils ont étudié très peu. Et après, ils sont tombés dans des choses extrêmement graves, qui démontrent une très grande ignorance. Personne n'est à l'abri de l'erreur. Comprenez bien, mes frères. Personne n'est à l'abri de l'erreur. Le savant salafi peut faire une erreur dans l'aqida. Mais quand on lui montre son erreur, il revient. Le souci, c'est pas de faire une erreur. Le souci, c'est que le cours soit rempli d'erreurs. Et que tout le temps, c'est comme ça. Celui-là, il doit se taire et d'arrêter d'enseigner et de reprendre les cours jusqu'à apprendre et ensuite venir enseigner. Voilà ce qui a été cité dans ce sous-chapitre. Alhamdulillah qui nous a permis de le faire dans son intégralité. هذا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته